danser toutes les danses que tu veux dans les bras de ceux qui t'entraînent au loin. Va sourire des sourires merveilleux pour les danseurs qui te tiennent la main. Mais n'oublie pas que je serai là pour te conduire enfin chez toi. Garde bien la dernière danse pour moi. Va danser, tu peux t'amuser, j'attendrai le tour de notre retour. Si quelqu'un veut t'accompagner jusqu'à la maison, dis-lui bien que non. Je serai là pour te conduire enfin chez toi. Garde bien la dernière danse pour moi. Chérie, comprends-moi. Je t'aime trop et je n'ai plus qu'un désir. C'est ton péché un jour de partir. Notre amour est si beau. Quelquefois des refrains. Till the night is gone. Plus fort qu'un vent. And it's time to go. Il vous tourne la tête. If he asks. Chante et rit. If you're all alone. Mais je t'en supplie. Can he take you home? Qu'aucun danseur. You must tell him. Prenne ton cœur. And don't forget. Oui, n'oublie pas. Who's taking you home? Que c'est dans mes bras. And in whose arms you're gonna be. Que ce soir, tu t'endormiras. Oh, darling. Garde bien. Save the